الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى خلق وأحيا وحكم على خلقه بالموت والفنى والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء لتجزى كل نفس بما تسعى. قال جل وعلا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى، ينفخ في الصور إسرافيل وهو ملك من ملائكة الله عز وجل، هي نفخة الفزع ثم نفخة الصعق. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق أي الموت، فيموت الناس. وهنا يظهر تفرد الله سبحانه وتعالى بالبقاء، وهو الواحد القهار الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. وفي القرآن المجيد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. فقالوا لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا له: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا له: 40 سنة؟ قال: أبيت. أبيت أي امتنعت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقيل غير ذلك. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هنا تعود الأجساد كما كانت في الدنيا، وترجع الأرواح إلى أجسادها. هذا إلا الأنبياء أيها المؤمنون، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. يقول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هنا تحصل النفخة الآخرة وهي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كذا قال ربنا عز وجل. وقال أيضا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي من القبور. وقال الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال سبحانه ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وقال تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وقال سبحانه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فتتغير الأحوال وتخرج الأرض ما في بطنها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات من الناس وقال الإنسان ما لها وقال سبحانه وبعثر ما في القبور وقال الله سبحانه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين إلى يومئذ زرقا وأول قبر ينشق يومئذ أيها المسلمون هو قبر نبينا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر والناس يبعثون على ما ماتوا عليه فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى nous enseigne dans son noble livre qu'on soufflera dans la trompe et que des suites de cela l'ensemble des gens seront effrayés, apeurés puis on soufflera à nouveau dans la trompe et l'ensemble des gens mourront sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura choisi Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne dans de très nombreux versets cela et l'ange qui soufflera dans la trompe se nomme Israfil c'est un des anges les plus nobles avec Jibril et Mikaïl Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne que l'ensemble des gens mourront وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ À ce moment-là, apparaîtra de la manière la plus claire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit le vivant qui ne meurt pas, le dominateur suprême, celui qui reste, et l'ensemble des hommes et des djinns, eux, meurent. Allah tabaraka wa ta'ala prendra la terre dans sa main, Et il pliera les cieux dans sa main et dira, comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, je suis le roi, où sont les rois de ce bas monde? Je suis le roi, où sont les rois de ce bas monde? Nous apparaîtra ici l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il soit le vivant qui ne meurt jamais, car l'ensemble des gens mourront. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle du temps qu'il y aura entre les deux moments où on soufflera dans la trompe. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura 40. Abu Huraira a rapporté ce hadith. Les gens ont donc questionné Abu Huraira. Oh, Abu Huraira, 40 jours? Il a répondu, Abayt. Ils lui ont dit alors 40 mois? Il a répondu, Abayt. Ils lui ont dit 40 ans? Il a dit, Abayt. C'est-à-dire, je n'ai pas questionné le prophète, alayhi salatu wassalam, sur cela. Je n'ai pas connaissance de cela. D'autres savants disent, c'est-à-dire que seul Allah a cette connaissance. Et il fut dit d'autres avis. Donc il y aura 40 entre les deux moments où on soufflera dans la trompe. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre une pluie. Allah azza wa jal fera descendre une pluie. Et ainsi, les gens qui avaient été mangés par la terre seront à nouveau. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit dans le hadith, le corps du fils de Adam sera entièrement consumé, si ce n'est un os, la fin de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle en arabe « ajzbu al-dhanab », c'est le dernier os de la colonne vertébrale. L'ensemble du corps humain sera consumé dans sa tombe, excepté cet os-là. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal fera descendre cette pluie, le corps humain sera à nouveau. Puis Allah Azza wa Jal ordonnera aux âmes de retourner dans leur corps. Et c'est alors qu'on soufflera dans la trompe à nouveau. Et c'est ce qu'on appelle Nafratul Ba'th. Et c'est à ce moment qu'il y aura la résurrection. L'ange va souffler. L'ange va souffler à nouveau dans la trompe. Et là, comme Allah nous le dit dans le Coran, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. Tout comme nous avons commencé la première création, elle sera à nouveau, elle sera faite à nouveau. وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ. Ainsi le fils de Adam sera à nouveau, il sera ressuscité, il sortira de sa tombe pour comparaître sur la place du jugement dernier. Et ça ne sera pas la terre que nous connaissons, ni le ciel qui nous a abrités. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran que les cieux seront modifiés, ou que les cieux, na'am, seront modifiés, que la terre sera modifiée. Ça sera une grande place où il y aura l'ensemble des créatures, des premières ou dernières. Cette place sera blanche. L'imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit blanche, car c'est une terre sur laquelle Allah n'aura pas été désobéi. C'est une terre sur laquelle il n'y aura pas la noirceur des péchés du fils de Adam et de ses serviteurs. De nombreux versets nous parlent de la résurrection, et c'est un point essentiel parmi les points de la foi au jour dernier. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite dans surat Taha, sur la traduction des sens de ce verset, « Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. » Dans l'autre verset, « Quiconque vient auprès de lui en croyant après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux et où ils y demeureront éternellement. Et voilà là la récompense de ceux qui se purifient. » Dans Surat Ghafir, le jour où ils comparaîtront sans que rien n'en eux ne soit caché à Allah, à qui appartient la royauté d'aujourd'hui, à Allah, l'unique, le dominateur. On nous dit encore, dans Surat Al-Anbiya, le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons, c'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Dans Surat Fussilat, Allah Azza wa Jal nous mentionne également comment se fera la résurrection des corps et des âmes. Et parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts. Celui qui redonne la vie à la terre est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Et dans Surat Yassine, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Allah Azza wa Jal ordonnera à la terre de vibrer, de bouger, et son contenu sortira, c'est-à-dire nous, ceux qui auront été ordonnés. Le prophète alayhi salatu wa salam nous informe du premier dont la tombe s'ouvrira, du premier qui sortira de sa tombe, et c'est lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je suis le meilleur des fils de Adam, je serai le meilleur des fils de Adam le jour de la résurrection, et je suis le premier dont la tombe s'ouvrira, je suis le premier dont la tombe s'ouvrira. Le prophète alayhi salatu wa salam est donc le premier qui sortira de sa tombe. Allah nous mentionne la parole de certains qui seront ressuscités en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Dans un autre verset, le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupe. Vous viendrez par troupe. Et dans un autre verset, on nous montre que les gens seront en couple, c'est-à-dire les gens pieux seront ressuscités avec les gens pieux, les gens mauvais seront ressuscités avec les gens mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chacun sera ressuscité ce sur quoi il est mort. Chacun sera ressuscité ce sur quoi il est mort. Il nous dit même que celui qui est au pèlerinage ou à la Umrah, il sera ressuscité en prononçant la talbiyah, Allahu Akbar. Celui qui meurt durant les rites, le prophète alayhi salat wa salam nous dit qu'il sera ressuscité en prononçant la talbiyah, c'est-à-dire labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Le prophète alayhi salat wa salam nous parle de gens qui seront ressuscités sur leur visage. Dans d'autres textes, on nous parle de gens qui seront ressuscités sourds, muets et aveugles et sous d'autres formes. Et cela fera, Inch'Allah Ta'ala, l'objet d'une prochaine khutbah. Et on demande donc à Allah Azza wa Jal de nous accorder une bonne fin dans ce bas monde et une honorable place dans l'au-delà. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين اللهم اصلح أحوال المسلمين اللهم اصلح أحوال المسلمين اللهم اصلح أحوال المسلمين اللهم فرج عن إخواننا في الصين اللهم فرج عن إخواننا في الصين اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان يا رب العالمين وعليك بالظلمة وعليك بالظلمة يا قوي يا عزيز والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك